Galaxy. Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de Galaxy en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Samedi 2 avril, soyez les bienvenus en ce samedi après-midi, bien évidemment, comme tous les samedis, entre 16h et 18h, c'est le nouveau rendez-vous du Flycase, avec une fois de plus, et bien pas mal de changements. Un total cette semaine assez calme au niveau des entrées. Deux petites entrées, autrement dit, deux petites sorties également. La sortie de Gigi Leroy, X numéro 1 de ce classement, et Roland Clark avec I Get Deep. But I catch myself right on time, right in line with the beat, and it's so sweet. Et la sortie également de Rome Acoustique, Panty, le remix de Forfait B. Galaxy Flycase. Numéro 20. Allez, on y va, on est parti dans ce classement avec la 20e position, lanterne rouge cette semaine, ça perd 4 places, le titre de Raymond Tapia, Yellow Submarine. We'll be right back. C'est peut-être la dernière semaine, en tous les cas, c'est à vous de voter pour le faire progresser. Facebook Flakez, numéro 19, ça gagne une petite place, Nora and Pure avec Morning Dew. Et juste auparavant, numéro 20, c'était le retour de Ramen Tapia dans ce classement avec Yellow Submarine. Et ça perd 4 places, c'est Lanterne Rouge. Bon après-midi, restez avec nous. Flakez, les 20 titres indispensables. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 18. Yes. Et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 16. À l'instant, c'était la première entrée. Il y en a deux totales cette semaine. C'était Mute avec REJ. Je sais pas comment ça se prononce en fait, hein, c'est pas grave. Numéro 16, numéro 17, 5 places au moins pour DJ Fuge avec Make It Right. Et pointé numéro 18, pas de changement par rapport à la semaine dernière, le groupe Season Do You. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Et au rendez-vous de la tribu ce soir sur Galaxy, puisque nous sommes samedi à partir de 20h, c'est Jean B que vous allez retrouver. 21h, Franck Lido. À 22h, Digitom. 23h, Marty. Minuit, Storm. 1h, Digigus. 2h, Mark Lower. Et à 4h, pour clôturer cette soirée, ce sera Pierre Thierry. Tout de suite, on se fait une petite pause dans ce classement avec à la fois un souvenir, à la fois une nouveauté. Ça vient d'être remixé par Dave Clark. C'est une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Neon Judgment, souvenez-vous, un titre des années 80, TV Treated. C'est la version remix et c'est maintenant.

pièces et les 20 titres incontournables tout le samedi entre 16h et 18h avec la 14e position. C'était une entrée la semaine dernière, c'était DJ Roland Clark avec le titre House Session numéro 14. Ça gagne une place et deux places au mieux pour le titre de Bassy Grub, entrée la semaine dernière également avec Oh Baby Dance. Et puis tiens, on allait vous parler également d'un grand rendez-vous à ne pas manquer, c'est demain. Exceptionnellement, à l'occasion de la 20e édition, et bien il y a une seconde foire au CD, disques et DVD qui se déroule au Centre Expo. C'est dans la salle rouge, rue de Menin à Moucron. L'entrée est fixée à 2 euros au profit des vinyles Story ASBL. Donc c'est le rendez-vous à ne pas manquer demain entre 10h et 18h. Peut-être pour vous l'occasion de retrouver la petite perle que vous cherchez. Hein, n'est-ce pas Frédéric Meyer, ceux qui viennent vous dire bonjour. Il va rechercher de la Jack, tiens. Bon allez, restez avec nous, 16h37, bon après-midi. Les 20 titres qui te font bouger. C'est Flycase, numéro 13. Flycase, nouveauté, nouveauté. Galaxy, un rétro n'est jamais de trop. Un rétro n'est jamais de trop. Les oreilles, la voix la plus directe vers l'esprit.

until morn. Then we rinse and repeat, and the dress goes on. Time to make the club go up, time to shut the bitch down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and the dress goes on. Time to make the club go up. Olivier Curtis. Je t'aime comme la vache me l'herbe. Numéro 9.

mark it up, liquid animal fire. Tastes like heroin. Tastes like desire. Tastes like arrogance. Tastes like desire. Flakazel et 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec Nomi Rampas, ça s'appelle Tess Smith, c'est la position numéro 6, ça gagne 4 places. Et numéro 7, juste auparavant, 5 places au moins pour Claude Van Strook avec Mind Your Business. On va vous parler des soirées, tiens, sur Galaxy. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Et ce soir sur Galaxy à partir de 20h, c'est Jean-Bé que vous allez retrouver. 21h Franck Lido, 22h Digitom, 23h Marty. À partir de minuit, Digistorm, 1h Digigus, 2h Mark Lower. Et à 4h pour clôturer cette soirée jusqu'à 5h en mix, ce sera Pierre Théry au rendez-vous mix. Tout de suite, petite pause dans ce classement du Flycase. C'est une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Le groupe s'appelle le Fine Bass et le titre Rotten Doof. te font bouger, c'est Fly Case, numéro 5. reprenez le contrôle de vos oreilles. On adore ce titre, ça s'appelle Techno Disco, ça s'appelle Carrière District et à mon avis ce sera un futur numéro 1, c'est quasiment sûr et certain. Donc c'est à vous de voter Facebook, Flycase, n'oubliez pas. Et puis je vous rappelle également un grand rendez-vous à ne pas manquer, c'est demain, c'est la foire aux CD, DVD et disques qui se déroule au Centre Expo. C'était la salle rouge, 475 rue de Menin à Moucron, l'entrée est fixée à 2€ au profit de Vinyl Story ASBL. Vous aurez peut-être l'occasion de retrouver les petites perles magiques. On ira y faire un petit tour. D'ailleurs, j'ai entendu DJ HS qui sera là, il y aura Manu, il y aura également Mathieu Matou, vous allez retrouver dans quelques minutes, il ira faire un petit tour, enfin il y aura plein de monde. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est de 10h à 18h, foire au CD et DVD. C'est au Centre Expo à Menin, à Moucron. Rue de Menin à Moucron. Les 20 titres indispensables. Flycase, numéro 3. It's as close to God as I know. The easy, the structure, the cleanliness, the tone, the nuances, the implications, the silences, the dynamics, the pianissimos, the fortissimos, all have to do with sound and music, and it's... And so the whole fucking lot. woman, dressed in red, wear a rag on her head. See la woman, dressed in red, wear a rag on her head. Thank you. Flyguest sous les samedis entre 16h et 18h avec la 10e position récapitulative. Ça gagne une petite place. Written, Reason, Repeat. Numéro 9, ça perd 3 places cette semaine. Loveboards avec National. Une petite place de moins pour cet ex numéro 1 également, Oxia avec Feelings. C'est le remix de Olivier Giacomoto. Numéro 7, sa personne place Claude Vansrock, le grand retour dans ce classement. Mind Your Business, c'est le nouveau. On lui souhaite un avenir très prometteur comme le premier, évidemment. À 5 places de moins, c'est mal barré. Hein. Numéro 6, ça gagne 4 places cette semaine, Nomi Rampa Enemy avec Test Like. You hum and purse, parting ways with your tongue. That bit of hellified laughter that pushes past her inside. Behind the dark room, do the market up liquid end. Numéro 5, pas de changement par rapport à la semaine dernière pour la 5e position, Garson Jackson, Take It Easy, le remix de Sonny Fodera et Maggio. Numéro 4, pas de changement non plus par rapport à la semaine dernière pour Jane Faris, cet ex-titre disco remixé, ça s'appelle Time. Numéro 3, et un remix de plus pour Nina Simone, un vieux titre des années 50 remixé par Dennis Cruz, ça s'appelle Sea Lane et c'est le remix de Wad. Numéro 3, ça gagne 6 places, peut-être un futur numéro 1. Hey. Numéro 2. Et enfin numéro 2, on vient de se l'écouter il y a quelques secondes, une petite place de moins. C'était le numéro 1 la semaine dernière, It's Everything avec Big Disc. Allez, on est parti, nouveau numéro 1 pour cette semaine. Il fallait s'y attendre. Audio Jack, c'est le grand retour. Les titres, c'est Vibrate. Si, écoutez bien, ça s'appelle Vibrate. Numéro 1. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. C'est où du Jack numéro 1, ça gagne 2 places cette semaine. Attends, il y en a pour un quart d'heure là. Bon, c'est Bateau, vous allez retrouver. On était occupé de parler de la bourse au disque. Tiens, demain, il y a Bateau qui va casser son porte-monnaie, il va casser sa tirelire, il va arracher le sac. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, c'est au centre expo, c'est à la rue de Menin, à Moucron, de 10h à 18h. Il sera au taquet à 10h, le premier avec ses claquettes et. Ils sont gagnés. Bon voilà, donc rendez-vous à ne pas manquer. Mathématou, c'est dans un instant, comment ça va? Bah écoute, tu es bien en claquette. Ouais, mais rapproche-toi aussi. En claquette, tranquille. En claquette, tranquille, avec son cahier et tout. On verra. On mettra une photo. Hein. Bon d'accord, Mathématou, donc c'est jusque 20h. Rendez-vous à ne pas manquer avec plein de nouveautés, puis tous vos mix à partir de 20h. Ciao!